Le détective fixe suit donc Passepartout sur le quai et le fait parler. Les indices s'accumulent. Départ précipité, forte somme en banknotes neuves, sous couvert d'un improbable pari. Le détective décide alors de s'embarquer sur le Mongolia dans l'attente du mandat contre Fogg à Bombay. Et il se lie d'amitié avec Passepartout. De son côté, Phileas Fogg consacre son voyage à jouer au whist. Et le Mongolia accoste à Bombay 2 jours d'avance sur son planning. Après avoir admiré dans les rues de Bombay un carnaval hindou, Passepartout étant entré dans une pagode interdite aux chrétiens et en plus sans s'être déchaussé, est pris à partie par 3 prêtres hindous. Mais il parvient malgré tout à attraper le train pour Calcutta. « J'espère que cela ne vous arrivera plus », répondit simplement Phileas Fogg en prenant place avec lui dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, pieds nus tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. Fix allait monter dans un wagon séparé quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, dit-il, un délit commis sur le territoire indien. Je tiens mon homme. » En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit.